Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, nous continuons à étudier le chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, conduis-nous encore aujourd'hui à bien comprendre ce qui s'est passé à ce repas, bien comprendre le lavage des pieds, afin qu'on comprenne la personne qu'il a accompli le lavage des pieds, qu'est-ce qu'il voulait dire à ses disciples et nous dire à nous aussi. Amen. Hier, nous avons commencé à étudier le chapitre 13 et on a étudié le passage de 1 à 17. Une action que Jésus a fait qui semblait déplacée, ou du moins dans la tête de Pierre. Il dit, Pierre, je ne veux pas que tu me laves les pieds, tu es le Seigneur, et tu ne devrais pas nous laver les pieds, c'est déplacé. Et Jésus lui dit, Pierre, si tu te laisses pas faire, si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi à ce que je suis en train de faire. Pierre décide de se laisser laver les pieds. Parce que Jésus dit, j'ai quelque chose de plus à vous montrer, à vous dire. Vous êtes purs. Mon enseignement que je vous ai donné vous a amené à avoir une pensée plus juste, plus saine de qui je suis et de qui le Père est. Qu'est-ce que je suis en train de faire en tant que Messie? Mais vous n'êtes pas entièrement purs. Et il y en a un d'entre vous qui n'est pas pur du tout, et c'était Judas, qui n'a jamais cru vraiment, qui a toujours suivi Jésus avec des motifs mauvais, et il les a exprimés finalement dans le fait qu'il va livrer Jésus à la mort. Et là, au verset 12, j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il a eu pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. » Donc, Jésus admet, reconnaît qu'il est le maître et le seigneur, qu'il est au-dessus d'eux. Donc, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Mais c'est drôle, hein? C'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous donne un exemple d'un maître qui lave les pieds d'un serviteur. Il nous donne un exemple d'un maître qui lave les pieds de ceux qui vont envoyer. Mais moi, je peux pas faire la même chose parce que je suis pas un maître, je suis pas un seigneur. Comment est-ce que je peux faire comme Jésus envers toi? Tu es mon égal dans l'Église. Tu es mon égal en tant que frère et sœur. Je peux pas dire, mais à cause que je suis un pasteur, je vais m'humilier, je vais m'abaisser et te laver les pieds. Ça peut pas être ça. Ça serait pas logique de penser comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire comme le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire envers les autres comme le Seigneur? Quel principe je dois comprendre là-dedans en ce qui concerne le Seigneur, premièrement, et aussi qui doit s'appliquer avec nous? Parce qu'il dit au verset 17, on va aller au verset 15 avant. Au verset 15. Quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Donc, il veut qu'on fasse comme lui. Mais il veut certainement pas qu'on se mette à laver les pieds. Ouais, on l'a vu hier. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse comme lui? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Parce que comme je vous ai dit, je suis pas un maître, je suis pas un seigneur. Donc, je peux pas faire comme lui. Moi, je suis un serviteur avec d'autres serviteurs. Là, il dit au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Hier, je vous ai expliqué ça un petit peu. Pourquoi Jésus emmène cette vérité-là? J'ai agi comme si j'étais votre serviteur en vous lavant les pieds. J'agis contraire à qui je suis. Mais même si je vais agir, je fais une action à votre égard qui est une action que je pourrais bien dire que d'habituellement c'est le serviteur qui le fait, je vais rester qui je suis. Le serviteur, peu importe ce que le maître lui fait, il reste toujours le serviteur. C'est comme si le Seigneur Jésus était en train de dire, je vais faire de quoi demain de beaucoup plus grand que de vous laver les pieds. Mais ne vous y trompez pas. Vous restez mes serviteurs. Vous ne serez jamais plus grand que moi, même si moi je m'abaisse pour vous servir. Même si je fais une action demain qui, selon vous, n'est pas digne d'un maître, n'est pas digne d'un Seigneur, n'est pas digne du Messie, n'est pas digne du Fils de Dieu, je reste tout de même qui je suis. C'est ça que je crois qu'il veut qu'on comprenne. Les actions que vous allez faire les uns envers les autres ne changeront jamais qui vous êtes. Si vous savez cela, vous êtes heureux et vous le pratiquez. Si vous comprenez ça à mon égard, que moi, dans l'action que je viens de faire de vous laver les pieds, je suis resté votre maître, votre Seigneur. Demain, quand je vais mourir sur une croix comme un infâme, méchant et bandit, je reste votre Seigneur, je reste votre Messie, je reste le Fils de Dieu, votre Dieu, et vous êtes encore mes serviteurs, et vous êtes encore mes envoyés. Je suis encore votre maître. Donc, parce que nous, on a l'impression, dans notre folie d'être humain, on a l'impression quand on sert les gens, on s'abaisse. On aime beaucoup plus se faire servir que de servir. Si vous dites non à ça, vous êtes un menteur. Parce qu'on est tous de même. On aime plus se faire servir. On a l'impression d'avoir une plus grande valeur quand les gens nous servent que quand on sert les gens. C'est pour ça que on a tendance à s'éloigner des jobs de servitude pour prendre des jobs où est-ce qu'on va être servi. Mais Jésus dit, si vous le comprenez bien, ce principe-là, vous pouvez aussi le faire envers les autres. Les servir, sachant que ceci ne vous élève pas et ne vous abaisse pas. Ce que je fais ne change pas ce qui je suis. Si je suis un serviteur, je vais rester un serviteur toute ma vie. Et si je suis un seigneur, je vais rester un seigneur toute ma vie. J'espère que ça vous aide à comprendre. Parce que le Seigneur Jésus est en train de préparer à accepter le fait qu'il va mourir. Parce qu'on sait que quand il va mourir, qu'ils vont venir le chercher, ils vont fuir, ils vont l'abandonner, ils vont se cacher. Il va falloir qu'ils comprennent que ce que Jésus vient de faire, c'est le comble de son amour, c'est le comble de sa divinité, qu'on pourrait dire. C'est l'expression complète et totale de son omniscience, de son omnipotence, de son omniprésence. Je vais vous montrer à quel point je suis Dieu en faisant ce que je fais. Et tout au long de cette nuit qu'il va leur parler, il va leur dire des choses afin qu'ils puissent accepter d'avoir, momentanément du moins, un Messie qui va souffrir, qui va être rejeté, qui va être fouetté, qui va être couronné d'épines, qui va être crucifié, dans une place infâme du calvaire. Il va devenir la moquerie des gens, la moquerie des Romains et la moquerie des Juifs. Nous allons continuer au verset 18. « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Donc il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, parce qu'il nous le dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc, je ne parle pas de vous tous ici. Il y en a un qui n'est pas de la gang. Mais personne ne sait de qui il parle. Okay? Il dit d'une façon générale, il y en a un ici qui ne fait pas partie vraiment de la gang. Je connais ceux que j'ai choisis. Je connais les 12 ici. Je vous connais toutes les 12. Mais, c'est moi qui vous ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Il faut que la parole de mon Père s'accomplisse. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Et je vais la faire s'accomplir. On a vu ça au chapitre 12. Jésus n'est pas seulement l'accomplissement des prophéties, il accomplit les prophéties, il les fait arriver de son propre choix, car toute chose est entre ses mains. C'est sa responsabilité, c'est sa prérogative de faire arriver les prophéties. Et la prophétie, c'était celui qui mange avec moi le pain, donc un intime, hein, qui est assis à ma table, va lever le talon contre moi. Lever le talon contre moi, ça veut seulement dire me livrer à la mort. Quand on lève le talon sur quelque chose, c'est pas pour faire des caresses. Habituellement, c'est pour écraser ou pour détruire. Verset 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. Donc, il dit, je vous dis ces choses-là. Je vous dis quelque chose-là. Je vais faire quelque chose à l'avance, afin que vous compreniez que je suis pas une victime. Je savais que ça arriverait et je voulais que ça arriverait. Je donne ma vie pour ma gloire et la gloire de mon Père. Je suis pas une victime ici. Au verset 20, « en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Dans ce verset 20, il y a un principe de base que Jésus a répété souvent dans son ministère. « Si tu me rejettes, si tu rejettes celui que j'envoie, tu rejettes aussi moi et tu rejettes aussi mon Père. » Judas a rejeté, hein, rejeté Jésus et il rejette aussi Dieu. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. Il a dit, il faut, je vous connais, vous n'êtes pas tous purs. Il ferme l'entonnoir un petit peu. Celui qui est assis avec moi à la table et qui mange avec moi le pain va lever contre moi le talon. Ben, ils sont 12 à la table, hein, au moins. Et là, il ferme encore l'entonnoir. C'est l'un d'entre vous qui va me livrer à la mort. Là, le verset 22 arrive. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Il sait, depuis le début, quand il l'a choisi afin que l'Écriture s'accomplisse. Il était en plein contrôle. Toutes choses avaient été remises entre ses mains dès le début. Donc, quand il a choisi Judas, il savait pourquoi il choisissait ce traître. C'était pour être l'instrument qui était pour le livrer aux Juifs et aux païens. Donc, encore une fois, il ne pas une victime. Ça ne s'est pas passé à l'improviste. En faisant cela, il enclenche le processus de son arrestation. Verset 27, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Donc, Judas sait ce qu'il a à faire et il part. Satan avait mis à cœur à Judas de le livrer et Satan ici complète l'œuvre, complète sa, de pousser, d'emmener Thomas, pas Thomas, mais Judas à livrer Jésus. C'est drôle, hein? On a quasiment l'impression que Satan était à la porte et attendait que Jésus donne le morceau. Il attendait que Jésus donne le morceau qui enclenche le processus. Il se marque aussitôt, Satan entra en Judas. Dès que le morceau fut donné. Je crois que faut pas aller trop loin là, dans ce que je viens de dire, mais Satan fait partie de ceux qui veulent la mort du Seigneur Jésus-Christ. Verset 28, mais chacun de ceux qui étaient à la table ne comprenait pas pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que Judas avait la bourse. Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir et il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Aussitôt que Judas part et qui s'en va vers le Sanhédrin, vers les Juifs, Jésus fait une déclaration très étonnante. Il ne voit pas cette mort comme un échec. Il ne voit pas cette mort comme je voulais pas, mais ça m'arrive. Non, il dit, j'ai enclenché le processus en donnant le morceau de pain à Judas. J'ai enclenché le processus pour que le Fils de l'homme soit glorifié et que Dieu soit glorifié en lui. Ce qui va arriver dans les heures qui s'en viennent, ce qui va arriver demain, va me glorifier et va glorifier mon Père dès maintenant et pour l'éternité. Quand on dit glorifier, je vous le répète, la gloire de Jésus, c'est ses attributs, c'est sa nature divine et ses attributs divins. Cette mort, cette façon de mourir, le quand, le comment et le contrôle qu'il va avoir sur la mort qu'il va subir, va démontrer toute sa gloire et la gloire du Père. Notre bon Père du ciel, merci que tu n'as pas vu la mort comme une défaite, comme un échec. Tu as vu la mort comme l'aboutissement, parce que tu avais dit dans le chapitre 12, « Mon heure est venue et je suis venu dans ce monde pour cette heure-là. » Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va manifester ses attributs, sa gloire, et que le monde entier va un jour courber le genou devant le Seigneur et le Maître, devant le Dieu Tout-Puissant qu'il est. Ses enfants vont le louer pour l'éternité pour ce qui s'est passé cette journée-là au calvaire. Merci Seigneur que tu as été jusqu'à la fin pour nous révéler ta personne et en même temps nous accorder la vie afin qu'on soit tes serviteurs et tes servantes. Amen.